Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grande championne de tennis et militante féministe, Billie Jean King. The way my career ended up being doing so much off the court, I really didn't have time to pay attention on the court like I would have liked. Looking back, I don't know how I even had as good a career as I had considering what I was doing off the court. I don't know how I did it physically. Billie Jean King au Tennis Channel en 1987. Billie Jean King a tellement milité pour l'égalité entre hommes et femmes au tennis professionnel qu'elle a aujourd'hui du mal à comprendre comment elle a pu avoir une si brillante carrière comme joueuse alors qu'elle a passé tant de temps à se battre pour l'égalité salariale à l'extérieur des cours de tennis. L'héritage qu'elle nous laisse est en effet double. Sa performance comme joueuse, 129 titres à son actif, dont 12 titres du Grand Chelem en simple, et le legs qu'elle laisse aux joueuses qui l'ont suivie, l'égalité salariale dans les grands tournois du circuit. After purchasing an $8 racket with money earned from chores, après avoir acheté une raquette de $8 avec de l'argent gagné grâce aux tâches ménagères, Billie Jean décide à 11 ans qu'elle deviendra la meilleure joueuse de tennis au monde. 11-year-old Billie Jean declared a goal to be the number one tennis player in the world. Yet, what we honor are not simply her 12 Grand Slam titles. Aujourd'hui, nous soulignons non seulement ses 12 titres de Grand Chelem, ses 101 titres en double et ses 67 titres en simple, mais aussi tout ce qu'elle a accompli en dehors du terrain et qui a permis de démocratiser la pratique de son sport, de changer la façon dont les femmes se perçoivent et de donner à tous, peu importe leur genre ou leur orientation sexuelle, la chance de rivaliser à la fois sur le terrain et dans la vie. Comme l'a déjà dit Billie Jean, il ne faut jamais sous-estimer l'esprit humain. J'ajouterais qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'esprit de Billie Jean. As Billie Jean once said, we should never ever underestimate the human spirit, nor should we underestimate Billie Jean King's spirit. Le président Barack Obama, en 2009, au moment où il remet à Billie Jean King la médaille de la liberté, qui est la plus haute distinction civile que peut recevoir un Américain, pour nous faire revivre le parcours exceptionnel de Billie Jean King, je reçois ma collègue, journaliste au sport, Marie-Josée Turcotte. Marie-Josée Turcotte, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle importance, Marie-Josée, elle a eu, Billie Jean King, dans l'histoire du tennis féminin, et de quelle manière, surtout, on l'entend déjà un peu, mais de quelle manière elle a marqué ce sport? C'est immense ce qu'elle a fait. Elle a été évidemment une très grande joueuse, mais on l'a entendu dans les extraits que vous avez choisis, ça a été aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui une influenceuse. Ouais. Quand M. Barack Obama, l'ex-président, dit qu'elle avait déjà dit qu'elle deviendrait première au monde, elle était toute petite et elle avait dit ça à sa mère. Et oui, elle est devenue première au monde. Elle a souvent dit par la suite dans sa carrière d'être première au monde, ça m'a donné la chance d'être écoutée. Parce que si je n'avais pas été première, peut-être que les gens n'auraient pas écouté tout ce que j'avais à dire sur la lutte que je voulais mener. Donc, oui, elle a fait plein de choses. Et elle s'est rendue compte très, très jeune que la discrimination envers les femmes était très présente. Écoutez, elle est native de la région de Los Angeles et c'est là qu'elle a commencé à jouer au tennis. Et il y avait eu un tournoi chez les juniors. Et au moment de prendre des photos, on lui avait dit « Ah non, toi, tu ne viens pas dans la photo. Pourquoi? » Parce qu'elle portait un short que sa mère lui avait cousu, plutôt que la petite robe traditionnelle du tennis. Donc, ouais. Tout de suite, elle voit qu'il y a une discrimination envers les femmes et que ça va bien au-delà du code vestimentaire. Donc, elle va se battre toute sa vie. Elle a choisi de ne pas être une victime et de se battre, et c'est ça qui est fantastique. Donc, elle va se battre pour l'équité dans les bourses entre les hommes et les femmes dans le monde du tennis. Elle va fonder en 1973 ce qu'on appelle la WTA, la Women's Tennis Association, qui est encore là aujourd'hui. Elle va fonder en 1974 la Women's Sports Foundation, qui vient en aide, donc, dans le monde du sport, aux femmes, que ce soit au niveau récréatif, que ce soit au niveau collégial, universitaire ou professionnel. Donc, on va soutenir le développement des sportives. Elle fonde en 2014 la Billie Jean King Leadership Initiative. Et là, vraiment, c'est pour changer le monde du travail. Donc, elle est rendue plus loin. Ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait des femmes leaders un peu partout dans la société. Donc, ouais. Toute sa vie, elle défend vraiment l'inclusion et l'équité. Et le témoignage qu'on a entendu de Barack Obama était super intéressant. Et aujourd'hui, elle a 76 ans et elle est toujours à l'avant-garde de cette lutte pour l'équité. Et je pense qu'on peut même rajouter, ce qui est intéressant, c'est que la jeune génération en ce moment est en train de reconnaître le travail qui a été fait par cette femme-là. Et je vous donnerai l'exemple d'une Canadienne, Bianca Andreescu, oui. qui a gagné donc les internationaux des États-Unis en 2019. En 2020, elle n'a pas pu être là, elle était blessée, mais elle a pris la peine d'écrire une lettre ouverte pour dire merci à Billie Jean King et à ce qu'on appelle, j'appelle ça un peu avec un sourire, les 9 originales, les original 9, en fait on pourrait dire les 9 pionnières. Mm-hmm. Donc les 9 femmes qui sont derrière la création justement de la Women's Tennis Association, cette association qui chapeaute le tennis féminin aujourd'hui. Le mot « gratitude » résumerait en fait ce que Bianca disait face à cette WTA qui lui permet à elle aujourd'hui et à toutes les jeunes femmes de vivre leur passion. Parce qu'aujourd'hui, quand on est une joueuse de tennis, non seulement on peut penser vivre de sa passion, mais on peut penser aussi devenir millionnaire, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Oui, donc un leg vraiment très, très tangible pour toutes ces joueuses qui l'ont suivi. On va y revenir à cette bataille pour l'équité qui a été vraiment le grand combat de sa vie. Mais quand même, un petit mot avant de s'attaquer à cette bataille-là, un petit mot sur la grande championne qu'elle a été. Ça commence cette brillante carrière avec un premier titre en simple dans un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. On est en 1966 et elle bat à ce moment-là en finale la Brésilienne Maria Esther Bueno. Now in the third set, Billie Jean serves for match point. Beautiful shot and the Wimbledon title is hers. Technically, I was quick for my generation before I started having knee operations at a young age. Techniquement, j'étais une joueuse rapide avant de subir des opérations au genou alors que j'étais encore jeune. Mon revers était excellent, comme mes coups au sol et ma volée. J'avais un formidable deuxième service. Et surtout, j'avais la passion du jeu. Comme joueuse, c'était vraiment une emmerdeuse. Sa stratégie était de m'envoyer des cochonneries. Un coupé, un effet lifté, puis un amorti. Elle brisait sans cesse le rythme. Et hit top spin, and drop shot, and give me no pace. Mrs. Billie Jean King of America, the new queen of tennis. C'est un court extrait sonore qu'on vient d'entendre, mais qui illustre assez bien, donc, déjà, la stature qu'a eue Billie Jean King comme grande championne de tennis. Vous avez entendu Billie Jean King dans cet extrait, Martina Navratilova et Chris Evert. Parlons donc, Marie-Josée Turcotte, de cette grande championne qu'elle a été, Billie Jean King. On l'entendait, je l'ai dit, 12 titres en simple dans un tournoi du Grand Chelem. Ça voulait dire quoi? Puis on a une petite idée avec ce qu'elle-même décrivait son style dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais ça donnait quoi, Billie Jean King, sur un court de tennis? Ben, c'était merveilleux parce que c'est une femme qui jouait tout en attaque. Elle se servait de sa vitesse pour bien couvrir le filet, donc elle jouait devant et donc ça met beaucoup, beaucoup de pression sur l'adversaire. C'était une joueuse passionnée, émotive. Elle courait sur toutes les balles, mais en plus, c'était une excellente tacticienne. Et au milieu des années 70, le jeu s'est mis à changer un tout petit peu. Et là, on avait privilégié le jeu en fond de terrain. Mais Billie Jean King, elle a continué à jouer à sa manière, c'est-à-dire tout en attaque. Et elle a quand même, écoutez, elle a quand même atteint les demi-finales du tournoi de Grand Chelem de Wimbledon en 1982 et 83. Et pourquoi c'est un exploit? Parce qu'elle avait presque 40 ans à ce moment-là. Donc, c'est assez incroyable. Et pourquoi on insiste tant sur tous ces titres de Grand Chelem qu'elle a remportés? Parce que c'est 39 en tout, 12 en simple, mais 39 en tout, parce qu'elle en a remporté en double et en double mixte. C'est parce que les Grands Chelems, c'est les tournois les plus prestigieux. C'est ceux dont on parle le plus, c'est ceux qui amènent les plus grandes bourses. Et ce sont les tournois que tout le monde espère gagner un jour. Donc 39, c'est fabuleux. Et ce qu'elle a peut-être donné le plus comme héritage, c'est qu'elle a démontré que pour une femme, c'était correct d'être émotive, c'était correct de vouloir gagner. Ça paraît naturel aujourd'hui de dire ça. Ça ne l'était pas du tout à l'époque. Donc, grande, grande carrière. Et puis, très tôt dans cette carrière, c'est le contexte, au fond, qui va l'amener à ce combat, parce qu'on y revient à ce combat pour l'égalité salariale, qui vont mener les joueuses de tennis professionnelles à militer, mais très, très concrètement, très activement, pour arriver à cette égalité-là en 1968. Evolution started in 1968. Notre situation a commencé à évoluer en 1968. Nous étions contentes car nous avions rallié tout le monde à notre cause et pour la première fois, nous avions aussi droit à un prix en argent. We started to get a check of prize money in 1968 the first time. But for instance, Rod Laver won Wimbledon in 68. Seulement, Ron Laver, le gagnant du tournoi de Wimbledon cette année-là, avait remporté 2000 livres et moi, gagnante chez les femmes, j'avais reçu seulement 750 livres. Devant cette différence, je me suis dit, bon, on a un autre combat devant nous, celui de l'égalité salariale. And all of a sudden, I'm looking at the difference and I go, oh no, now we're going to have to deal with something else to try to have equality. And there was nine of us in 1970 that signed a $1 contract. En 1970, neuf d'entre nous avons signé un contrat de 1 $ avec Gladys Eldman. C'est à ce moment-là qu'est né le tennis professionnel féminin. Il y avait Rosie Casals, Nancy Ritchie, Peaches Berkowitz, Christy Pidgeon. Il y avait aussi Kerry Melville-Reed et Judy Dalton, qui étaient australiennes et qui ont été suspendues de leur fédération. Nous étions toutes menacées de ne plus pouvoir jouer, mais nous sommes tout de même allées de l'avant. Nous savions que c'était la bonne chose à faire. We were all threatened. We wouldn't be able to play the tournaments, but we did it anyway. We knew it was the right thing to do. Billie Jean King, en entrevue au Tennis Channel en 1987, c'est donc en 1968, Marie-Josée Turcotte, mm-hmm. qu'arrive ce point tournant. C'est vraiment un point tournant qui va conduire au combat pour l'égalité salariale. Billie Jean King va mener ce combat-là. Elle ne sera pas seule. Elle en nommait quelques autres pionnières dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Comment ça va s'organiser, ce combat-là? Bien, c'est vraiment le point marquant, c'est 1968. Pourquoi? Parce que tout à coup, on tombe dans ce qu'on appelle l'ère open. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les quatre tournois du Grand Chelem s'ouvrent à tous. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était ouvert en principe uniquement aux amateurs. Donc, on dit maintenant professionnel, amateur, tout le monde peut participer à ces tournois de Grand Chelem. Donc, dorénavant, il y a de l'argent à gagner. Donc, Billie Jean King et toutes les autres sont convaincues qu'elles font partie de ce changement-là. Après tout, hein, un peu partout sur la planète, dans les années 60, il y a des mouvements de revendication pour des meilleurs contrats sociaux, l'équité salariale, mettre fin à des guerres, les femmes exigent le contrôle sur leur vie, sur leur corps. Donc, c'était vraiment l'époque là, du peace and love, de l'appel à toutes les libertés. Mais on sait avec le recul historique que le machisme n'est pas disparu en un clin d'œil. Elle donnait un exemple en 68 du tournoi de Grand Chelem. Il y en a un autre qui me vient spontanément en 1970. Donc, il y a 2 ans qui sont passés. On est aux internationaux d'Italie. Le champion Elie Anastasi reçoit 3 500 $. Billie Jean King, qui gagne, en reçoit 600. Et la situation se détériore constamment d'année en année. Donc, devant ce mépris-là, devant ce qu'on appelle à l'époque la United States Lawn and Tennis Association, donc l'association qui représente le tennis américain, elle décide d'agir. Et je ne vais pas vous les renommer, les 9 femmes, parce qu'elle en a nommé plusieurs, mais il faut se souvenir de Billie Jean King et de celle aussi qu'elle a nommée Gladys Eldman, qui est la rédactrice en chef, elle, du World Tennis Magazine. Elle, ce n'est pas une joueuse, mais elles se sont associées à cette femme-là. Et vraiment, c'est elle qui est comme l'organisatrice un peu derrière tout ça. Et leur première action va viser un tournoi qui s'appelle le Pacific Southwest Open, qui doit se tenir à Los Angeles du 21 au 27 septembre 1970. Et ce tournoi, il offre des bourses 8 fois plus élevées pour les hommes que pour les femmes. Alors, elle s'adresse au directeur de l'époque, Jack Cramer, en demandant, peut-être pas l'équité nécessairement, mais de réduire l'écart. Et lui, il refuse. Oui. Alors, ces filles-là décident de faire une conférence de presse et de dire, nous, on va boycotter ce tournoi-là et on va organiser notre propre événement. Et là, ben, ils sont menacés, justement. À peu près en même temps, d'ailleurs. Oui, elles vont l'organiser exactement dans la même semaine. Et c'est là qu'elles vont créer ce, pour 1 $ là, avec Gladys Eldman. Elles vont mettre 1 $ chacune et signer un contrat. Et ça, c'était vraiment brillant comme idée parce que là, elles créaient la première association professionnelle de tennis féminin. C'est une astuce, mais ça va faire toute la différence. Pour se battre à égalité avec les hommes, la première étape, c'est d'être elle-même, donc devenir elle-même professionnelle au tennis. Exactement. Et là, donc, elles ont une caution juridique, si on peut dire. Elles ont une entité qui les représente. Et là, l'Association de tennis américaine va les menacer. On va vous bannir des tournois de Grand Chelem. Vous n'aurez plus le droit de représenter votre pays sur la scène internationale. Il y avait 2 Australiennes, les autres étaient américaines. Et elles se sont toutes dit, écoutez, on n'a rien à perdre. Allons-y, on fonce. Et donc, ce premier tournoi, Gladys Eldman, encore elle, avait trouvé un soutien financier. Ça s'est passé à Houston, donc la même semaine qu'à Los Angeles. C'était du 23 au 26 septembre 1970. Ça a été un succès. Et à la fin de l'année, parce que là, Mme Eldman continue à travailler, elle va chercher un commanditaire, le Virginia Slim, c'était des cigarettes à l'époque, et on va créer pour l'année 1971 le Virginia Slim Circuit. Ça, c'est le premier circuit professionnel féminin. Et là, à la fin de l'année 70, il y a 40 femmes, 40 joueuses qui disent « Oui, nous, on embarque dans ça ». Et là, 2 ans plus tard, en 1973, on est à la veille du tournoi de Wimbledon, là, ce sont 60 joueuses qui vont dire « Oui, on veut, on crée donc la Women's Tennis Association, donc l'association de tennis professionnelle qui représente encore aujourd'hui donc les femmes du tennis. Ouais. Et là, il y a une première grande victoire au-delà de la création de cette association-là. Puis encore là, Billie Jean King va monter au créneau. C'est elle qui sera responsable de cette victoire-là. C'est qu'un premier tournoi du Grand Chelem, celui des États-Unis, va offrir donc la parité salariale des bourses aux hommes et aux femmes. Absolument, parce qu'elle a menacé de boycotter, et comme elle était la meilleure joueuse de l'époque, donc le US Open est devenu le premier tournoi de Grand Chelem à donner des bourses égales en 1973. On recule loin, là, donc c'était vraiment une grosse victoire à ce moment-là. Les autres tournois de Grand Chelem ont suivi par la suite. Le dernier à le faire, ça a été celui de Wimbledon, et ça, c'était en 2007. Et depuis ce temps-là, vraiment, les joueuses de tennis qui sont représentées par la Women's Tennis Association, tout a changé, vraiment. Ce sont les femmes les mieux payées maintenant, donc du côté du tennis. Si je prends l'exemple, par exemple, de Bianca Andreescu, qui a gagné les internationaux des États-Unis en 2019, chez les messieurs, c'est Rafael Nadal qui avait gagné. Tous les deux ont remporté 3,85 millions de dollars américains. Comme les avant-gardistes du tennis disaient dans les années 70, « We've come a long way, baby. » Oui, on en a fait du chemin. Et si je vous donne l'exemple du magazine Forbes, qui est un magazine économique qui produit à chaque année des palmarès, entre autres, sur les sportifs les mieux payés, en 2020, donc leurs palmarès se font toujours de juin à juin, donc juin 2019 à juin 2020, si on regarde parmi les sportives les mieux payées, le top 9, ce sont toutes des joueuses de tennis. La mieux payée, c'est la Japonaise Naomi Osaka, avec 37,4 millions de dollars en bourse et aussi, bien sûr, en commandite. Par contre, si on regarde le top 100 de tous les athlètes, bien là, Osaka se retrouve 29e. Il y a 28 hommes devant elle. Parce qu'au fond, cette bataille de la parité, au tennis, elle a été gagnée, en partie, en tout cas, parce qu'évidemment, les commandites, il y a encore une iniquité, mais pour ce qui est des bourses octroyées, la bataille est à peu près gagnée au tennis, mais c'est à peu près le seul sport où les femmes ont réussi à obtenir cette victoire-là, Marie-Josée. Et je vous dirais qu'elle est gagnée, la bataille au tennis, mais uniquement dans les tournois de Grand Chelem. Oui. Parce que dans les autres tournois, c'est pas gagné encore. Et je peux même vous donner l'exemple de la Coupe Rogers, qui se passe à Montréal ou à Toronto. Encore en 2019, c'était Bianca Andreescu qui avait gagné et Rafael Nadal. Bianca avait fait 521 000, Nadal 1 050 000. Donc, c'est un rapport du simple au double. Ce qu'on nous donne comme explication, c'est que ce sont des tournois qui sont pas tout à fait du même niveau. C'est-à-dire que pour les hommes, c'est ce qu'on appelle les Masters 1000. Il y en a 9 dans la saison, c'est les plus payants après les Grands Chelems. Pour les femmes, il y a 4 niveaux de tournoi et on nous dit, bon, c'est pas le même niveau. Ouais. Évidemment, on joue avec les mots. Éventuellement, je pense que ça se fera. Mais vous avez raison, c'est pas encore gagné dans les autres sports, loin de là. Ouais. Et il y a encore toute une lutte à mener. Le 20 septembre 73, ça aussi, ça fait partie de la légende, au fond, Billie Jean King. Ce jour-là a lieu à Houston un match historique entre elle, Billie Jean King, et l'ancien champion du monde, Bobby Riggs. C'est ce qu'on va appeler la bataille des sexes. Parlez-moi de ce match-là. Dans quel contexte, d'abord, est organisée cette rencontre, Marie-Josée? Bien, Bobby Riggs, c'est un ancien joueur qui a gagné 3 titres de Grand Chelem, donc ça a été un bon joueur et tout. Et lui, à ce moment-là, en 73, il a 55 ans. Et pour lui, le tennis féminin, c'est rien. C'est vraiment comme une espèce de chose totalement inférieure à ce que les hommes peuvent faire. Et lui, il prône, il dit tout haut et tout fort, « Moi, je peux battre n'importe quelle femme, même les meilleures du moment. » Et il se proclame lui-même « The King of the Male Chauvinist Pigs », le roi des porcs chauvins. Donc, évidemment, il y avait eu tout un engouement avec cette chose-là et Billie Jean King se sentait une responsabilité d'aller au-devant de cette chose-là et de se battre parce que c'est elle, donc, qui était au-devant de la lutte et tout. Oui. Et elle a accepté donc ce défi. D'autant qu'il y avait eu un premier match d'organiser avec ce même Riggs et son adversaire féminine avait perdu. C'est probablement ce qui a fait, en bonne partie en tout cas, ce qui a persuadé Billie Jean King de prendre la relève. Et donc le match a lieu le 20 septembre 1973. L'enjeu est énorme pour le tennis, pour Billie Jean King elle-même, avec une pression vraiment presque insoutenable. On l'écoute justement en parler de ce match-là, de cette pression-là, dans le cadre d'un TED Talk qu'elle a donné en octobre 2015. First of all, Bobby Riggs, he was a former number one player. He wasn't just some hacker, by the way. He was one of my heroes. Tout d'abord, Bobby Riggs était un ancien champion. Ce n'était pas un imposteur. C'était l'un de mes héros et je l'admirais. Et c'est pour ça que je l'ai battu, parce que je le respectais. Ma mère, mais surtout mon père, disait toujours, « Ne sous-estime jamais ton adversaire. respecte-le. Et il avait tout à fait raison. And never underestimate them, ever. And he's correct. He was absolutely correct. But I knew it was about social change. Je savais que c'était plus qu'un match et qu'il était question de changement social. Depuis que nous l'avions annoncé, j'avais l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Je me disais, si je perds, ça va faire reculer les femmes d'au moins 50 ans. Je n'avais que ça en tête. Je voulais amorcer ce changement dans les cœurs et les esprits. Deux choses sont ressorties de ce match. Les femmes ont gagné de la confiance en elles et se sont émancipées. Quant aux hommes, plusieurs sont venus vers moi, les yeux humides, en disant, « Billy, j'étais très jeune quand j'ai vu ce match, et maintenant j'ai une fille. Je suis vraiment content de l'avoir vue quand j'étais jeune. » Un de ces jeunes hommes, c'est le président Obama. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, « Vous ne vous en rendez pas compte, mais j'ai vu ce match à 12 ans. Aujourd'hui, j'ai deux filles, et ce match a changé la façon dont je les ai élevées. » You don't realize it, but I saw that match at 12, and now I have two daughters. And it has made a difference in how I raised them. Match historique, on le comprend bien en écoutant l'extrait qu'on vient d'entendre. Match historique que celui-là, dont l'impact sera, pour ainsi dire, puis on le comprend aussi en écoutant cet extrait, générationnel, Marie-Josée Turcotte. Absolument. Écoutez, il y avait 30 000 personnes dans le stade, dans l'Astrodome de Houston, 90 millions de téléspectateurs. Ça avait été un coup de marketing incroyable. Et je trouve qu'elle le résume bien. C'était comme une leçon pour beaucoup d'hommes à cette époque-là. Oui, c'était une prise de conscience pour les femmes. Oui, on est capable de faire ce genre de choses-là, mais pour les hommes aussi. Et c'est très important parce que moi, j'ai toujours dit, c'est avec les hommes qu'on va le faire, ce changement-là. C'est pas une histoire de féminisme, c'est une histoire d'humanité. C'est une question de respect les uns envers les autres. Et que plusieurs hommes aient vu ça à cette époque-là, bien, je trouve ça fabuleux. Ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire, bien sûr. Mais déjà, là, il y avait un petit pion qui avait été posé, une petite graine qui a été posée et qui a fait... et qui a bien poussé, en fait. Un petit mot en terminant sur Billie Jean King aujourd'hui, qui poursuit, vous l'avez un petit peu évoqué au début de l'émission, mais qui, à plus de 75 ans, poursuit aujourd'hui encore son combat. Quelle forme il prend aujourd'hui, le combat de Billie Jean King? Je pense qu'elle tente d'encourager toutes les jeunes femmes, et elle le fait bien, parce qu'il y a plein de jeunes femmes là, qui la prennent comme exemple. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme elle a un nom maintenant, à travers ses fondations, à travers ses différentes fondations, elle soutient beaucoup. Et elle est à l'avant-garde encore aujourd'hui à 76 ans, parce qu'elle est une des créatrices de la Women's Tennis Association. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, elle milite pour que l'association des hommes et des femmes soit ensemble. Et elle a raison, parce qu'en bout de ligne, si on faisait ça... on n'aurait pas le choix, les bourses seraient égales. Il y a des gens qui la soutiennent, comme Roger Federer, qui est d'accord avec des choses comme celle-là. Donc, il y aura un changement éventuellement, et elle aura été vraiment très importante dans toute cette lutte pour l'équité salariale des femmes, dans le tennis maintenant et dans le monde du sport en général. Marie-Josée Turcotte, journaliste, animatrice au service des sports, merci infiniment. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... à la prochaine.